C'est la chronique de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin, monsieur Ligue nord-américaine. Salut Gilles. Hey, bonjour. Gilles, je viens de te l'apprendre. Ça a sorti dans le quotidien ce matin, transaction chez les Marquis Alex Bourret. Ça, c'est un cas spécial, ça, Alex Bourret. C'est un choix de premier rond de la Ligue nationale des Thrashers d'Atlanta qui revient avec les Marquis de Jonquière. Lui, il n'avait pas joué cette année. Échangé par les travaux de Trois-Rivières contre un joueur, Pierre-Luc O'Brien. Les droits. Donc, les deux joueurs n'ont pas joué de l'année. Je pense qu'on pourrait faire un film, Ding d'Hollywood, sur Alex Bourret. Il y a quelques mois, il avait lui-même sorti dans un article de journal un excellent texte où il parlait de ses déboires avec l'organisation des Thrashers d'Atlanta. Ce gars-là aurait dû et aurait pu jouer dans la Ligue nationale. Comme plusieurs. C'est un gars qui avait un potentiel énorme. Bon, il y a eu des problèmes hors glace. Il les a lui-même décrits. Il a été très honnête. Il a dit qu'il ne regrettait pas, malheureusement, ce qui était arrivé, parce qu'il ne faut jamais regretter. Mmh. On est jeune. Des fois, on a des mauvais gens qui nous entourent. Des fois, on prend des mauvaises décisions. Mais ce gars-là a tenté un retour à jouer, à rouler sa bosse au hockey européen. Il est même allé du côté de quelques équipes de la Ligue nord-américaine. Il peut, s'il veut, s'il est en santé, s'il a le désir, la passion, aider énormément, parce que c'est un gars qui peut jouer autant à l'avant qu'il peut jouer, Danny, à l'arrière, c'est-à-dire en défensive. Il l'a prouvé dans le passé. Et c'est un gars qui peut drôlement aider une équipe qui a besoin de service d'un gars talentueux, parce qu'il l'est d'ailleurs. Mmh. Et sa feuille de route est énorme. Il est âgé de 31 ans, on le décrit comme un ailier droit, mais il peut être aussi un centre. Il peut même, comme je te le disais, jouer à la défense. Et ce gars-là s'est promené là un petit peu partout, a même joué 4 matchs en début d'année avec une équipe dans une ligue, j'appellerais C, senior, Actonville, avec 9 points en 4 matchs. C'est un gars, oui, qui appartenait au Blizzard avant Laval, était déjà avec les Marquis en 2015. Il s'est retrouvé aussi avec Thetford, Cornwall. Comme tu vois, il a eu beaucoup de chemin parcouru. C'est un gars qui, dans la Ligue américaine, a quand même eu de belles saisons avec Hartford, San Antonio, Chicago, Wichita, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours eu quelque chose, puis le petit déclic, là, tu sais, il n'est pas arrivé. Fait que là, je lui souhaite de pouvoir avoir la chance, avec une belle équipe, un bon entraîneur, une bonne organisation avec Marc Boivin, Benoît Graton, d'exceller d'ici la fin, parce qu'il peut apporter, puis c'est pas une mauvaise transaction dans les circonstances. C'est un joueur qui jouait pas l'autre bord, là, Félix O'Brien, donc c'est un échange de projet, comme on dirait, là, comme qu'on pourrait dire comme ça. Donc, ouais, ce gars-là a quand même 117 points en 146 matchs passés dans la Ligue nord-américaine. Moi, je pense qu'il peut apporter au Marquis de Jonquière, surtout sur le jeu de puissance. Et également, si un soir, il manque un défenseur ou s'il manque un attaquant, le gars, il peut jouer à toutes les sauces. Il l'a déjà fait. C'est un gars qui, écoute, quand tu as un choix de premier rond de la Ligue nationale, tu as du talent, là. Peu importe ce qui arrivera, il a du talent. Puisqu'il est question des Marquis, Cédric Desjardins, troisième étoile. Desjardins, premier blanchissage. C'est un ancien du Canadien. Oui. Il y en a eu un cette année en 25 matchs. Ouais. L'année passée, on en avait eu 9 en 140. Il tardait à venir. Bon, ben bravo pour Cédric Desjardins. Ça a été une belle fin de semaine pour lui, parce qu'en plus, il a eu un match en prolongation et même tir de barrage. Donc, il le mérite amplement, cette troisième étoile, comme Sébastien Courcelle, qui a aidé Telford à gagner 2 matchs. Telford qui est parti vers la gloire, 8 victoires dans ses 10 premiers matchs, 6-6 à la maison. C'est pas l'équipe qu'on attendait, c'était les Marquis, mais à défaut, c'est Telford devant les Marquis. Puis à la surprise, Rivière-du-Loup, puis à la déception, qui est Saint-Georges-de-Beauce. Puis mixé à ça, ben Sorel est là comme il devait être, et Trois-Rivières est là où il devait être. Puis parlant de Sorel, ben Anthony Courcelle est l'autre étoile de la semaine. Je pense que ça revenait à ces trois gars-là, mais il y a quelque chose qui me surprend puis que je trouve agréable en même temps. Quand on regarde, Danny, les 12 premiers marqueurs de la Ligue, trois équipes, 3-5-4. Trois de Rivière-du-Loup, 5 de Thetford, suivi de 4 de Sorel. Ouais. C'est à peu près la tangente des trois équipes en ce moment. Et quand tu vois ça, tu te dis, où sont les marqueurs des marquis? Ils sont loin, là. Mm. Ils sont dans les 15 et plus. Ouais. Donc, on voit peut-être le pourquoi de cette équipe-là qui n'est pas encore dans les sommets et qui a Sorel, Rivière-du-Loup et Thetford devant elle parce que quatrième rang, c'est pas la place des marquis. Non, non, c'est clair. Tu parles de Thetford, est-ce que ça l'a aidé Thomas Beauregard à, le bon début de saison, ça l'a aidé sûrement Thomas Beauregard à prendre la décision de rester avec les marquis? Pas les marquis, mais je te parle de Thetford, pardon. Oui, mais c'est sûr, c'est évident, parce ouais. que quand tu regardes aller cette équipe, pour l'avoir vu moi jouer trois fois depuis le début de la saison, elle n'a pas de faille. Défensivement, offensivement, unité spéciale, avantages numériques, désavantages numériques. Qu'on pense également, bien sûr, aux gardiens de but également. Écoute, cette équipe-là a 16 buts en avantages numériques. C'est 6 de plus que Trois-Rivières et 7 de plus que Rivière-du-Loup, Sorel et Jonquière. C'est 6 en 6 à la maison. Quand tu regardes au niveau des marqueurs de la Ligue, oui, Beauregard en fait partie, mais il y a quand même une équipe qui est très talentueuse. Deschâtelets, qui est arrivé de Rivière-du-Loup, ça a été un vol. Courcelles, Alexandre Tremblay, Jonathan Bellemare, Maxime Massenauer, Matthew Medley, et tu continues. Tu remarques que le premier marqueur des marquis est 16e, et c'est une verte recrue, si on veut, dans la Ligue cette année. C'est James Desmarais, avec 10 points. Okay. 6 buts à 10 points seulement quand les meilleurs en ont 20 et plus en ce moment. Donc, il y a un manque et quand je reviens au classement et que je regarde tout ça, ben là, je me dis qu'est-ce qui arrive? C'est que Jonquière marque peu de buts, 32 comparé à 54 pour Thetford dans la même lignée de matchs joués, 42 à Sorel et 45 Rivière-du-Loup. On peut être habitué à ça parce que il y a une méchante bonne équipe du côté de Jonquière, là. On parle de Desmarais, mais faut quand même pas oublier parce que les gens la suivent de près, leur équipe, là. Kennel, 4 buts. Carpentier, 3 buts. Trudel, 3 buts. Chaput n'en a pas. Colnick n'en a que 2. Allard n'en a qu'un seul. Hubert Poulin, sur sa surprise, il devrait pas être là. A déjà 4 buts. Boudreau en a 2, Malouin en a 3, Grou en a aucun, Simon Tremblay en a aucun. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe avec l'offensive versus la défensive? Et pourtant, Desjardins est un excellent gardien de but que l'on peut qualifier dans le top 5 de la Ligue. Et on a déjà accordé 31 buts à l'adversaire, même si c'est l'équipe qui en a accordé le moins. Mais elle n'est que plus 1. Comparer différence but pour but contre à plus 21 pour Thetford, tu comprends? Oui, puis mais t'as un gars comme Philippe Paradis qui est arrivé aussi. Philippe, qui est, si ça y tente, ça peut être un bon joueur de hockey aussi pour les marquis. Donc, que compter son premier but en fin de semaine, d'ailleurs, faut le mentionner. C'est toujours ça dans le cas de Philippe. Ça y tente, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut maintenant surveiller cette semaine, la télévision sur le web, semble-t-il que ça a changé de match? Ben, la télévision sur le web pour les prochains matchs, oui. En principe, ça devait être Trois-Rivières à Jonquière, mais il est important de noter que, vu l'actuel classement et vu la course au premier rang, c'est plutôt du côté de Sorel-Tracy que sera la télévision sur le web vendredi soir à 19h45 avec l'avant-match et le match à 20h, Rivière-du-Loup à Trois-Rivières. Mais on revient la semaine suivante du côté de Jonquière, alors que Sorel-Tracy y sera. Et la raison est bien simple, le 24, parce que il y a une nouveauté dans la Ligue d'Annie, tu vas être le premier à l'avance. Ben, peut-être, oui, c'est un scoop en même temps. C'est que le commissaire Richard Martel a rencontré la direction du cégep de Jonquière en communication. Ouais. Et moi, j'ai parlé avec la directrice également il y a 3 semaines. Nous avons, depuis les 3 derniers mats des marquis, 2 à la maison et 1 sur la route, employer un jeune étudiant à devenir comme toi et moi, radio, ou télé, ou journal, ou, si l'on veut, relationniste. Philippe Lureux, 3 papiers déjà sur le site de la Ligue nord-américaine. On aura d'ailleurs le 24 novembre 7 étudiants du cégep qui veulent devenir en radio, TV, journal, dans le futur de leur carrière, employés pour le match sur le web. J'en aurai 2 pour les entrevues d'avant-match avec les 2 équipes. un par période comme analyste, un pour les échos de vestiaire, un autre va être caméraman, un autre va être photographe. Donc, on emploie 9 qui ont été sélectionnés. Il y a une fille, Marie-Michel de mémoire, puis il y a 8 garçons, dont Philippe Lheureux. Donc, c'est jusqu'à la fin, le 2 mars, qu'on va les employer avec les marquis. Ils ont leur accréditation le soir d'un match comme photographe et journaliste sur la galerie de la presse à Jonquière. Merci à Mac Boivin et à l'organisation de se prêter à ce beau concours avec l'aide de la Ligue nord-américaine et Richard Martel et bien sûr le cégep de Jonquière, parce que ces gens-là, ces jeunes-là, t'étudient, mais t'es à huis clos là, dans des classes où ce que j'appelle une fausse radio, si tu veux, ouais. Une fausse TV. Là, on va les envoyer à vrai pour la radio téléweb, parce que quand j'ai la chance de faire les matchs avec la téléweb cette saison, 14 et 24, mais c'est aussi collé avec le son, et le son vient de la radio du CJSO, le 101.7 à Sorel-Tracy. Donc, ils vont vivre vraiment l'expérience de la radio, jumelée à l'expérience de la télé. Puis le 24, ben, c'est la première vraie sortie, et c'est chez vous à Jonquière que ça va se faire. Ah, c'est bon, c'est une bonne idée ça. Gilles, on se parle la semaine prochaine? Oui, avec plaisir, puis bonne semaine, puis bon match en attendant ce week-end. Oui, Gilles Péloquin, monsieur Ligue nord-américaine de hockey.